Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Le 21 septembre prochain, ce sera la 25e journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une journée mondiale dans une année, à vrai dire, plutôt morose après de nouveaux échecs de médicaments en janvier et juin dernier qui viennent allonger la liste des thérapies qui ne franchissent pas la phase 3 des essais cliniques. Et malgré une surenchère de publications, déjà 17 000 depuis le début de l'année, la recherche clinique semble buter contre un mur invisible. Faut-il tout revoir? Faut-il changer de piste, comme le suggèrent certaines équipes? Pourquoi certaines molécules font régresser les lésions mais n'ont aucun effet sur les symptômes? C'est notre premier grand dossier transversal de l'année avec Science et Avenir. Alzheimer, année zéro, c'est le problème que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire l'état des lieux, des avancées et des impasses, mais il y a aussi des avancées, on ne va pas faire qu'un portrait négatif tout au long de cette heure de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Claude Potier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, co-responsable de l'équipe maladie d'Alzheimer, maladie à prion, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Bonjour Bruno Dubois. Bonjour. Vous êtes professeur de neurologie à Sorbonne Université, directeur de l'équipe INSERM, cognition, neuroimagerie et maladie du cerveau également à l'ICM. Et comme je vous le disais en introduction, c'est une première aujourd'hui pour cette troisième saison de la méthode scientifique. Chaque mois, nous allons vous proposer un grand dossier transverse avec notre partenaire Science et Avenir. Bonjour Elena Sender. Bonjour. Voilà, c'est vous qui avez coordonné le dossier Alzheimer, prévenir, ralentir du numéro de septembre de Science et Avenir. Oui, absolument. Donc c'est un grand dossier complémentaire entre la version papier de Science et Avenir, la version radio de la méthode scientifique, et puis tout ça sera décliné sur nos sites web respectifs sur franceculture.fr et sur scienceetavenir, c'est .fr aussi. C'est .fr. Absolument. Et sans oublier nos fils Twitter, @laméthodefc et @science au pluriel, _, c'est le tiré du 8, Avenir. Mais tout de suite, on commence par un petit retour dans le temps. Je suis un peu un optimiste, mais enfin quand même pas béat. Je crois que nous avons de bonnes raisons de penser qu'il y aura dans un délai raisonnable de 5 ans, disons dans les 5 ans qui viennent, d'ici l'an 2000, des progrès très substantiels, vu ce qui a été fait. Et je rappelle tout de même que si les substances cholinergiques qui ont été données jusqu'à maintenant, je pense au fameux THA, ont été retirées de la circulation, on n'a pas continué les essais, elles ont tout de même, pendant le temps où on les a utilisées, donné des preuves d'efficacité, en 30% des cas, au moins ce n'est pas rien, on a touché juste avec ces produits. Et je crois que les expertises vont reprendre avec des molécules un peu différentes qui taperont mieux sur la cible, qui donneront de meilleurs résultats sur le plan de la mémoire avec beaucoup moins d'effets secondaires. On est sur une bonne voie. Voilà, c'est le professeur André Bess en 1991. Vous venez de l'entendre, des progrès substantiels d'ici 5 ans, voire à l'an 2000. Eh bien, 30 ans après, c'est peu ou prou chou blanc tout de même, Bruno Dubois. Oui. Bon, vous avez entendu l'accent aussi. C'est un peu méridional là. C'est un peu avancé. Je suis d'accord avec vous. Non, il y a eu quand même des progrès. Il y a eu des progrès. D'abord dans la connaissance de la maladie, dans la définition de la maladie, dans la reconnaissance des patients, dans la définition du cadre de ce qui est de l'Alzheimer et de ce qui n'est pas de l'Alzheimer. Donc on a inscrit cette fameuse maladie d'Alzheimer dans le cadre de la médecine. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a des biomarqueurs. On peut identifier les patients. On peut identifier les patients à des stades très précoces. On peut même identifier des gens qui n'ont pas encore la maladie, qui ont déjà les lésions. Donc tout ça, ça avance de façon cohérente. Il y a un vrai progrès dans la cohérence. Bon, alors maintenant, qu'en est-il des médicaments? Pour répondre précisément à votre question, je dirais qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Le mauvais, vous l'avez dit, c'est qu'il n'y a aucun médicament qui soit efficace aujourd'hui, qui ait montré une efficacité, j'entends, de médicaments qui sont ce qu'on appelle les disease modifiers, qui agissent sur les maladies, sur les symptômes. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est relativement déçus. Ces médicaments agissent sur les lésions, mais n'améliorent pas les symptômes. Encore que, depuis 2 mois, nous avons des indications intéressantes. On en reparlera tout à l'heure. Bien sûr, on va revenir évidemment aussi sur l'aspect positif. J'aimerais juste un regard rétrospectif, Marie-Claude Potier, sur ces espoirs. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu, parfois, souvent même dans la façon de vendre un peu des publications scientifiques, de dire « Ah, ça y est, une percée, ça y est, on va y arriver, ça y est, on rentre dans une phase d'étude clinique vraiment intéressante qu'on n'a jamais vue. » Et à chaque fois, ben, voilà, ça s'arrête à cette étape d'annonce et ça n'est jamais traduit jusqu'au bout de la recherche. Alors, ça me rappelle, en fait, 1991, je travaillais en Angleterre, à Cambridge, dans un laboratoire qui maintenant vient d'identifier les structures protéiques des pathologies tau qui se forment dans le cerveau des patients. Et à cette époque, dans les années 90, il y avait deux camps. Il y avait le camp qu'on appelait le camp des baptistes, la pathologie amyloïde, et le camp des tauistes, la pathologie tau. Et c'était toujours qui arrive en premier, qui la poule et l'œuf. Sur ce côté-là, on a un peu progressé, mais c'est pas complètement clair. On ne sait pas quelle est la pathologie qui arrive en premier. Est-ce qu'il y en a une qui est là et qui va ensuite faire flamber la deuxième, etc. Donc tout le décours temporel, il est encore pas complètement clair. Mais par contre, en 2018, on a vraiment beaucoup plus d'équipes qui font de la recherche fondamentale. Et beaucoup plus d'hypothèses intéressantes. On reparlera sans doute de l'inflammation. Bien sûr. Et donc vraiment, la recherche fondamentale a explosé grâce au plan, au plan Alzheimer, grâce au financement des fondations qui permettent de financer des équipes qui travaillent sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, mais qui s'intéressent à l'Alzheimer parce que dans leur domaine, elles ont une idée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire faire venir des gens dans le domaine de la recherche fondamentale qui sont pas forcément affichés baptistes, taoïstes et je ne sais quoi. Qui sont pas l'une des deux grandes écoles dont on va reparler dans un instant. Elena Sander. 1991, c'est aussi la date où John Hardy, le biologiste anglais, a émis la fameuse théorie de la cascade amyloïde que les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires pharmaceutiques se sont appuyés pour développer leurs médicaments. Donc peut-être qu'on pourrait repartir déjà de cette hypothèse des années 90 sur laquelle repose la majorité des essais cliniques. Ouais. C'est-à-dire finalement le fonctionnement aujourd'hui tel qu'on le connaît de la maladie d'Alzheimer. Marie-Claude Potier. Alors, encore un autre souvenir, parce qu'en 1991, la première conférence qu'il a donnée, c'était à Cambridge. Il était assis en tailleur sur la paillasse en bas de l'amphi. Et les deux dernières minutes de sa conférence, il a présenté les mutations qui étaient causales chez ses familles, dans ses familles. Donc c'était vraiment ces années-là. Et donc cette cascade amyloïde, elle venait des observations chez les familles de patients qui portaient des mutations dans le gène qui code l'amyloïde précurseur protéine qui va donner la pathologie amyloïde. Peut-être qu'il faut ensuite juste rappeler deux mots ce que c'est que la bêta-amyloïde et en fait comment fonctionne, quels sont les mécanismes que l'on connaît aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer, juste rapidement, comme vous voulez, Bruno Dubois. Ah non, mais simplement, oui, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a deux anomalies biologiques qui ont été mises en évidence d'ailleurs par Aloïs Alzheimer, c'est intéressant. C'est on va dire des dépôts d'une substance anormale et qui forment des amas, qu'on va appeler les amas amyloïdes, et d'un autre côté, probablement lié à ça, une dégénérescence des neurones, et c'est une dégénérescence des neurones dans laquelle on a mis en évidence une anomalie d'une autre protéine qui s'appelle la protéine tau. Alors la question est celle-là, quel premier entre la tau, la pathologie tau ou la pathologie amyloïde, en sachant que chez les sujets âgés normaux, au cours du vieillissement normal, on a un peu de pathologie tau dans une toute petite région du cerveau et qui reste localisée dans cette région, alors que dans la maladie d'Alzheimer, lorsqu'apparaît la pathologie amyloïde, ces amas au niveau du cortex, ça va entraîner une sorte de flambée de la pathologie tau qui déborde la région, la petite région dont j'ai parlé. Donc c'est toute la question. Cette région-là, c'est l'hippocampe. Hein. C'est l'hippocampe, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'il y a de la tau, entre guillemets, avant l'Alzheimer, mais c'est la présence de l'amyloïde qui déclenche et qui emballe et qui embrase le cerveau. Donc si vous voulez, tout le monde a raison. Il y a les taoïstes et aussi les baptistes, voilà. Hélène Sander. Mais donc les candidats médicaments, la grande majorité des candidats médicaments qui ont échoué à ce jour, visaient à éliminer cet amyloïde. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi, alors qu'on élimine cette protéine amyloïde, pourquoi on n'a pas d'effet sur les déclins cognitifs? Alors là je suis obligé de prendre la parole parce que je sens très bien, il y a deux hypothèses. Quand il y a un fait, il faut l'analyser de façon froide. Il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'effectivement, l'amyloïde n'a rien à voir avec la maladie. Première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que l'amyloïde a peut-être quelque chose à voir, mais les patients chez lesquels l'hypothèse amyloïde est testée ne sont pas les bons patients. Et effectivement, quand on étudie les médicaments anti-amyloïdes, aujourd'hui, on l'étudie chez des patients qui sont à un stade sévères de leur maladie, puisqu'ils sont, entre guillemets, déments. On ne va pas revenir sur la définition de la démence, mais ça veut dire que c'est des patients qui sont très avancés dans la maladie. Et peut-être, et c'est une hypothèse possible, peut-être qu'à ce moment-là, il y a tellement de lésions amyloïdes dans leur cerveau que même si on arrive à en diminuer un peu, même beaucoup, ça n'est pas suffisant pour avoir un retour sur les symptômes. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a, par rapport à d'autres hypothèses testées concernant d'autres stratégies d'action, il y a aussi l'idée qu'il faut, en parallèle, étudier ces médicaments à un stade beaucoup plus précoce, ce qu'on appelle au stade pré-démentiel, voire même avant même qu'ils aient des lésions, des symptômes, et donc au stade des lésions isolées. Sur cette question, Marie-Claude Potier, vous partagez l'analyse de Bruno Dubois, c'est-à-dire que le problème, parce qu'on sait, hein, de facto, certains médicaments, on constate une réduction de ces plaques amyloïdes qui, pour caricaturer un peu, détruisent les synapses, détruisent les connexions neuronales, mais pourtant, quand elles réduisent, eh bien, on ne constate pas d'amélioration des symptômes. Oui, tout à fait. Vous l'avez bien rappelé, la cascade d'amyloïdes a été définie au moment de la découverte des mutations, donc des formes génétiques qui représentent quelques pourcents des cas de maladie. Et finalement, on peut se dire que l'hypothèse de la cascade d'amyloïdes, on aura la réponse, est-ce qu'elle est vraie ou pas. En tout cas, elle est vraie chez ces patients, hein, puisqu'ils sont tous malades. Mais les traitements appliqués chez ces patients, mais qui sont appliqués, je ne sais pas combien d'années, Bruno, peut-être 15 ans avant l'apparition des symptômes. Donc toutes ces cohortes de personnes avec ces mutations qui sont traitées actuellement, pour lesquelles on sait pas, on a des bribes de résultats, mais pas encore les résultats finaux. Peut-être que quand on aura ces résultats finaux sur ces patients en particulier traités, on aura finalement la réponse à la cascade amyloïde. Est-elle vraie ou pas? C'est pour le moment, la cascade amyloïde, ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse et qui est effectivement testée maintenant chez des patients beaucoup plus précoces. Par exemple, il y a un premier travail extrêmement intéressant qui a été testé avec un produit qui s'appelle l'aducanumab et qui montre quand même un effet chez des patients au stade prodromal, à la fois sur les lésions et à la fois sur les symptômes. Donc, alors, c'est une étude de phase 2, il faut attendre, on est d'accord. On va reparler du passage de la phase 2 à la phase 3. Voilà. Parce que MAB, ça veut dire que c'est un anticorps monoclonal. Un anticorps monoclonal, exactement, et avec encore un anticorps monoclonal dont on vient d'avoir des résultats récemment qui va un peu dans la même direction. On va parler des pistes thérapeutiques, on va essayer de comprendre aujourd'hui mieux pourquoi toutes les pistes pour le moment se sont confrontées à un mur, et notamment sur ces questions de passage de phase 2 à la phase 3. Mais Hélène Sander, vous vouliez intervenir. Oui, une caractéristique de cette pathologie, c'est que la pathologie a une phase silencieuse de 10 à 20 ans. Je parle sous votre contrôle, c'est ça, avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de pouvoir traiter avant que les premiers signes cliniques n'apparaissent. Donc, pour ça, encore faudrait-il pouvoir savoir qu'une personne a cette pathologie silencieuse. Et j'aimerais que vous reveniez sur un essai qui est aussi très intéressant, c'est l'essai Génération 2, qui commence en France maintenant. Et qui vise, donc là c'est quand même la première fois, qui vise à traiter de manière préventive les patients qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont des facteurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que c'est totalement Alors, il y a peut-être deux choses. Déjà, revenir dans un tout premier temps, avant d'expliquer cette problématique liée à la génération 2, de ce que sont les facteurs potentiels, les facteurs aggravants. Est-ce qu'aujourd'hui, on les maîtrise tous? Est-ce qu'on sait s'il y a des prédispositions génétiques qui sont totalement identifiées? Quels sont aujourd'hui les facteurs qui sont des facteurs dits aggravants, ou en tout cas pour la maladie d'Alzheimer? Bruno Dubois. Il faut, dans cette affaire-là, il faut être assez prudent dans les annonces. Il y a encore 5 ans, les médicaments n'étaient essayés que lorsque les patients atteignaient ce stade de démence. Depuis quelques années, et grâce d'ailleurs à des travaux qu'on a faits, on a ouvert le champ à la phase prédémentielle, qu'on appelait la phase prodromale, et maintenant on commence à étudier les médicaments chez des patients malades, mais qui sont au début de leur maladie. Et on attend les résultats de ces études. L'année dernière, on parlait de ça. Et maintenant, on parle des phases précliniques, c'est-à-dire on est avant les symptômes. Attention. Ce sont deux phases distinctes. Hein. Mais oui, ce sont deux phases distinctes. Et attention, c'est-à-dire que là, on est en train de mettre le doigt dans quelque chose qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, de traiter des gens normaux avec des médicaments qui sont potentiellement dangereux. Donc, je ne voudrais pas qu'on donne à nos auditeurs l'idée qu'on en est là, qu'on en soit là aujourd'hui. On n'en est pas là aujourd'hui. On en est à traiter des gens malades et on fait de la science-fiction, on se dit que peut-être qu'il faudra aller même au stade préclinique, conscient que nous sommes que ça va poser de gros problèmes d'identification de ces sujets à risque, des problèmes éthiques, a-t-on le droit de traiter quelqu'un pour une maladie qu'il n'a pas, alors qu'on ne connaît pas le potentiel évolutif de ces lésions, on ne sait pas combien de temps il va falloir les traiter, on ne sait pas à partir de quand ils sont à fort risque ou à faible risque. Donc il y a plein de questions qui méritent d'être abordées avant que l'on s'en lance tête baissée dans cette problématique. Marie-Claude Potier. Alors oui, je pense que vous parlez de l'étude actuelle chez les personnes qui sont porteuses des allèles APOE4, c'est ça. Alors revenons à la génétique. Donc on parlait au tout début de John Hardy, l'anglais qui a découvert les premières mutations responsables des formes génétiques. Donc ça, c'est des formes qui sont transmissibles, c'est-à-dire que dans notre patrimoine génétique, pour chaque gène, on a deux allèles, deux copies. Et si une personne a une forme mutée sur un des allèles, elle aura la maladie. Donc ça, c'est vraiment les formes génétiques qui se transmettent de manière, on appelle mendélienne, hein, de Mendel, le généticien. Après, il y a les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque génétiques, donc c'est des allèles qui existent dans la population générale, mais si on les porte, on a des risques. Et l'allèle APOE4 dont vous parliez, c'est justement un facteur de risque génétique, c'est-à-dire que si une personne a deux copies de cet allèle, elle a un risque plus important. Si elle vit jusque 90 ans, elle aura un risque de quasiment 100% d'avoir une maladie d'Alzheimer. Il faut préciser ici que pour le moment, la variable génétique concerne une forme de la maladie, qui est une forme très sévère, précoce, mais que sur le reste, c'est-à-dire je parle sous votre contrôle, mais sous 95% des cas de maladie d'Alzheimer, c'est multifactoriel et qu'on ne peut pas identifier un seul gène qui soit responsable de la maladie à proprement parler, même au contraire, Bruno Dubois. 99,3%. Voilà, c'est encore plus que ça, 99,3%. Donc il faut juste préciser ça. Pour le moment, on pense que... D'ailleurs, où en est-on sur ces origines multifactorielles? Où en est la recherche? Ça vous fait lever les sourcils, oui. Bruno Dubois, parce que c'est une question très très complexe de savoir aujourd'hui quels sont les facteurs déclencheurs de la maladie d'Alzheimer chez un individu. Ça a été dit par Marc-Claude Potier, c'est plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a probablement, il faut faire attention à ce qu'on dit, il y a probablement, si vous voulez, une complexion génétique, c'est-à-dire qu'il y a probablement des associations génétiques qui favorisent un peu les choses. Bon. Et puis il y a aussi des facteurs, ce qu'on appelle épigénétiques, environnementaux, et puis il y a aussi l'âge, et puis il y a aussi la présence de cette apolipoprotéine, et puis il y a un certain nombre de facteurs, si vous voulez, qui vont... La polypoprotéine, c'est APOE4. Hein. C'est l'APOE4, absolument. Dont on parle, les allèles du gène dont on vient d'évoquer. Voilà, donc tous ces facteurs-là, et puis on ne connaît pas exactement ce qui va être central, et c'est la raison pour laquelle nous, on a monté cette étude Insight, à laquelle participe bien sûr Marie-Claude Potier, et qui était une étude qui suit des gens âgés, normaux, qui n'ont aucun trouble cognitif et qui ont accepté qu'on les investigue de tous les côtés. On leur fait des tas de prises de sang, des électroencéphalogrammes, des IRM très compliqués, des PET amyloïdes, des PET FDG. Enfin, on leur fait plein de misères et ils sont participants. Et grâce à eux, on apprend plein de choses. Et on est en train de définir, excusez-moi ce terme un peu barbare, mais l'algorithme qui augmente, je dirais, le risque de développer la maladie. Car sur les 318 sujets que nous suivons, il y en a 5 qui ont déjà développé la maladie. Et donc, on peut étudier, avec justement Marie-Claude, on étudie des anomalies génétiques, des associations un peu subtiles, qui sont associées à cette, entre guillemets, et excusez-moi du terme, conversion, c'est-à-dire cette progression vers une maladie. Marie-Claude Petit. Oui, complètement. Et c'est vrai que si on prend la liste des facteurs d'origine génétique qui avait été définie avec ces grandes études qui avaient été financées par le plan Alzheimer, donc les études de Philippe Amouyel et tous les collaborateurs partout dans le monde, donc ces études génétiques avaient permis de faire la liste d'un certain nombre de facteurs d'origine génétique. Alors on peut dire qu'il y en a 10, 20... C'est très variable. Hein, c'est variable, mais vraiment... toujours l'APOE4, hein, c'est le premier des premiers. Ça, c'est sûr qu'il n'y a eu aucun facteur identifié qui soit aussi fort que l'APOE4. Mais si on regarde ces facteurs dans une population de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et contrôle, on voit que la fréquence est plus importante. Si on regarde dans la population Insight, on est en train d'analyser avec Bruno Dubois toutes ces données, donc c'est des analyses qui sont assez complexes, mais on voit un certain nombre de choses. Donc c'est trop tôt pour le dire, mais il y a peut-être sans doute des facteurs génétiques qui prédisent la pathologie amyloïde, qui prédisent pas forcément la maladie, mais peut-être la pathologie amyloïde. Ce qui est intéressant, je reviens vers vous, Elena Sender, c'est que dans le numéro donc de Science et Avenir, il y a cet entretien avec le professeur Harald Hampel qui propose une classification, non pas de la maladie d'Alzheimer comme une sorte de maladie non pas unifactorielle, mais en tout cas univoque avec vraiment des causes des mêmes effets. Là, en l'occurrence, il propose justement de la doser en fonction de la symptomatologie. Oui, c'est tout votre travail sur les biomarqueurs. L'idée, d'après ce que j'ai compris, c'est que la maladie d'Alzheimer est extrêmement hétérogène et que il n'y a pas un Alzheimer, mais des Alzheimer, et que plus on pourra le caractériser la pathologie par patient, mieux on pourra traiter. Oui, enfin, c'est compliqué. C'est subtil parce que c'est vrai, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a probablement des facteurs explicatifs, si vous voulez, des facteurs mécanistiques qui sont différents d'un patient à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est la voie finale commune sur un plan clinique. Ils ont tous à peu près la même présentation. Et c'est ce que nous avons montré, si vous voulez. C'est que vous avez probablement une hétérogénéité de plusieurs façons d'entrer dans la maladie, mais quand vous y rentrez, ça se termine toujours de la même façon. C'est-à-dire, il y a une sémiologie, il y a ce qu'on appelle une présentation clinique, on parle de phénotype. Le phénotype clinique que nous avons décrit, qui est stable et qui permet de dire ça c'est une maladie d'Alzheimer et ça c'en est pas une. Alors, ce que veut dire Hampel, si vous voulez, c'est qu'il est intéressant de caractériser le profil biologique qui est au départ, parce que là, on va pouvoir faire ce qu'ils appellent la fameuse médecine personnalisée, c'est-à-dire essayer de trouver quelle est, chez ce sujet-là, l'importance de tel gène ou de telle particularité biologique, car à ce moment-là, il va falloir cibler plus particulièrement cette anomalie pour espérer que, à l'arrivée, on ait un effet sur le corps du syndrome. Pour préciser, hein, la classification d'Harald Hampel, c'est sur 3 critères. Le critère A pour bêta-amyloïde, le critère T pour tau et le critère N pour neurodégénérescence. Enfin, il le quantifie en fonction de l'expression, voilà. C'est-à-dire plus ou moins de fait. Chacun de ces 3 critères dans le diagnostic de la maladie. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h23, vous écoutez donc La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons de la maladie d'Alzheimer, puisque vendredi, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Nous en parlons autour de cette table avec Marie-Claude Potier, Bruno Dubois, qui sont tous les deux de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et Elena Sender, qui a coordonné le dossier Alzheimer, prévenir, ralentir, qui est ce mois-ci en une du magazine Science et Avenir, dont nous sommes partenaires. Alors, j'avais titré cette émission Alzheimer année zéro, qui était évidemment un peu un effet de manche pour dire, puisqu'on est en but à un certain nombre de problèmes, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs, essayer justement de contourner finalement ce mur qui est la réduction, ou en tout cas le traitement de ces plaques bêta-amyloïde qui ne donnent pas de résultats efficaces en clinique. J'aimerais qu'on dise un mot avec vous, Marie-Claude Potier, peut-être pour commencer, sur ce problème qu'on appelle le passage à la phase 3, c'est-à-dire que finalement on a des résultats qui peuvent être encourageants sur des modèles animaux, et puis ça ne passe jamais la phase 3, deux essais encore cette année, en janvier et en juin, qui sont interrompus. Pourquoi ? Quel est le problème de ce mur, de ce passage à la phase 3 ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors là, je pense que déjà, quand on a des résultats sur les modèles animaux, on ne passe pas en phase 3. Oui, hein, non, on est bien avant. On est bien avant. Oui, on est en essai préclinique. Le problème de la phase 3, je pense que c'est peut-être Bruno qui y répondra, mais le problème du passage du modèle animal... Au modèle humain, alors, commençons par ça. À la phase clinique, enfin, à la phase 1. Parce que le modèle animal, c'est préclinique. Évidemment, oui. Alors... tout le problème est la validité des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que pour l'instant, on peut dire qu'on a des modèles quasiment parfaits, des formes génétiques. C'est-à-dire qu'on reproduit chez la souris les mêmes mutations. Sachant que la souris, par exemple, elle ne fait pas naturellement de maladie d'Alzheimer parce que ses protéines amyloïdes et tau ne sont pas les mêmes que chez l'homme. Donc elle ne fera pas de dépôt amyloïde et elle ne fera pas de dépôt de tau. Donc il faut la transformer un petit peu. Et même si on transforme une souris normale, on lui change juste les gènes souris en gènes humains, c'est pas non plus encore terrible. Donc il faut vraiment lui donner les mutations des formes familiales pour qu'elle se mette à produire les pathologies. Donc finalement, on n'a pas de modèle de souris, de maladie d'Alzheimer sporadique, donc les plus fréquentes, les 99,3%. Pourquoi ? Parce que l'étiologie, on la connaît pas. Donc on pourrait s'amuser à faire une souris avec tous ces facteurs d'origine génétique, peut-être. Qui sait, mais voilà, comme on connaît pas l'étiologie, donc on peut lui faire manger du gras, on peut essayer d'accélérer tout un tas de choses, on n'a pas encore de modèle parfait de forme sporadique. Donc on peut reproduire la pathologie amyloïde, on peut reproduire la pathologie tau, on peut reproduire les deux en même temps. Donc ça, c'est nos modèles actuels. Vous dites manger du gras parce qu'il faut rappeler que parmi les facteurs multifactoriels, il y a notamment des problèmes d'alimentation, de diabète, qui sont des facteurs aggravants bien identifiés de développement d'hypertension artérielle, qui sont des facteurs identifiés de développement de la maladie d'Alzheimer. Bruno Dubois, sur cette difficulté aujourd'hui à aller jusqu'au bout de ces essais précliniques ou cliniques. Alors, le développement d'un médicament passe par ce qu'on appelle des figures imposées. C'est comme au patinage. Il y a des figures imposées. Alors, vous avez la phase 1. La phase 1, c'est simplement vérifier que le médicament est bien toléré chez les adultes sains. Puis après, vous avez la phase 2. On va étudier chez un petit groupe de patients pour voir s'il y a quand même un petit signal. Bon, un petit signal, et on va voir si ce signal est un peu proportionnel à la dose. Donc on fait une recherche de dose et un indicateur de signal. Et à la fin de cette phase 2, il y a le fameux go-no-go. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des données, on a l'impression qu'il y a un petit signal, il a l'air d'être un peu dose-dépendant, on va choisir une dose, il n'y a pas d'effet grave chez les sujets sains. Alors à ce moment-là, il y a parfois le go. C'est-à-dire, le go, là, c'est comme dirait Louis de Funès, paf, là, c'est truc énorme. Là, on prend des cohortes très larges. Randomisation double aveugle. Voilà, 3000 sujets, là, on y va, boum, boum, boum. Et là, alors, sur l'hypothèse du résultat du 2, on attend les données avec énormément d'attente, d'expectation, comme on dit en anglais, et on regarde. Et puis, boum, à chaque fois, on a eu depuis maintenant 15 ans, à chaque fois, les phases 3 sont négatives. Alors, c'est un peu désespérant, sauf que, il y en a deux, c'est pour ça que c'est quand même très important, les deux dernières, c'est-à-dire, on va quand même vers une amélioration, si vous voulez, des phases 3, et les deux dernières sont positives, attendez, Il faut faire toujours très attention. Ce sont des phases 2. Ce sont des phases 2 qui sont positives. Non, je me trompe. Vous avez raison. Qui sont positives sur les symptômes. Et donc, on attend les phases 3. Mmh. C'est toujours ça. On est toujours dans l'attente des phases 3. Et la sender. Oui, alors ces phases 2, est-ce que finalement, elles sont positives parce qu'on choisit mieux les patients? Alors, elles sont un peu plus positives parce qu'on choisit mieux les patients, absolument. Ça veut dire quoi, choisir mieux les patients? Ça veut dire parce que d'abord, on est certain que maintenant, ça y est, on a introduit, on a imposé, je dirais, et nous, on y a contribué, on a imposé les biomarqueurs pour définir le diagnostic des patients. Donc là, maintenant, ce sont des patients qui sont certifiés. Et deuxièmement, comme vous l'avez compris, on prend des patients beaucoup plus précoces dans leur maladie. Donc, on améliore, de fait, les conditions de démontrer l'effet positif du médicament. Alors, en préparant cette émission, j'ai trouvé même une interview de vous-même, Bruno Dubois, dans Santé à venir, justement, c'était l'année dernière, et une autre étude récente du mois de février, une étude franco-canadienne de l'Université McGill de Montréal, qui commence à mettre en doute, et alors j'aimerais que vous m'expliquiez ça, un lien de causalité entre les lésions et la maladie, les lésions et la démence. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui au moment où on met en doute, finalement, ce lien-là? Alors, c'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux. Il y a, est-ce qu'il y a un rapport entre les lésions et la survenue de la maladie? Et est-ce qu'il y a un rapport entre la topographie ou la quantité des lésions et la quantité des symptômes? Et voilà, c'est là qu'il peut y avoir une discussion. Alors là, on a assez bien établi que la pathologie tau était très directement liée, corrélée à l'intensité et au type de symptômes. Ce qui fait dire que probablement que la pathologie tau est le marqueur des troubles cognitifs. Alors la pathologie amyloïde, elle, n'est pas du tout corrélée aux troubles cognitifs, à tel point d'ailleurs que nous avons, nous, montré que vous avez deux maladies complètement différentes. C'est l'atrophie corticale postérieure et la maladie d'Alzheimer, qui sont toutes les deux dues à une pathologie amyloïde. Et dans les deux cas, vous avez exactement la même répartition des lésions. Donc ça veut dire que, alors que les lésions se répartissent, se distribuent de façon exactement identique, les symptômes sont complètement différents. Donc il n'y a pas de lien entre pathologie amyloïde et les symptômes. Avec Claude Potier. Oui, c'est vrai que si on regarde le lien clinique, le lien est fait vraiment avec la pathologie tau. Maintenant, je pense que ce qui va peut-être aussi faire avancer les choses, c'est le fait qu'on puisse commencer à détecter certaines pathologies dans le sang. On n'est pas forcément obligé de faire de l'imagerie. Donc ça va peut-être aussi permettre de faire des bonds dans la compréhension et peut-être la détection du tout début du déclin cognitif, etc. Donc ça, je pense que chez la souris, c'est un petit peu différent. On voit que les souris qui ont certaines formes de pathologie amyloïde, parce qu'avant d'avoir les plaques, on a des petites structures protéiques qu'on appelle des peptides, qui vont ensuite former des polymères, et on ne sait pas exactement quelle est la forme la plus toxique. On suppose que c'est peut-être ce qu'on appelle des oligomères, mais voilà, donc tout ça est assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si on détecte peut-être les formes les plus toxiques, on arrivera mieux à corréler avec le déclin cognitif. On peut espérer ça. Mais alors, j'ai une question de béotien, puisqu'on a corrélé la pathologie tau avec l'ampleur des symptômes. Pourquoi est-ce que l'essentiel des médicaments que l'on teste sont testés sur la pathologie amyloïde et pas sur la pathologie tau, Bruno Dubois? Très bonne question. Et ben c'est, on revient à 1991, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement, et comme l'a rappelé Marie-Claude, à la suite, si vous voulez, ce qui a quand même joué un rôle très important, c'est la découverte de ces mutations génétiques qui toutes, à un moment donné, de leur mécanisme, faisaient intervenir la pathologie amyloïde. Donc on s'est dit, l'amyloïde est centrale pour la maladie d'Alzheimer. Et donc tout le monde est parti tête baissée, en oubliant la pathologie tau, qui est une pathologie d'ailleurs qui a été fortement soutenue à la Salpêtrière, faut le rappeler. Donc c'est un retour de balancier, c'est ça, toujours dans un sens, puis après ça va dans l'autre. Là, on est parti pour aller vers la tau, et on va voir. Marie-Claude Potier, oui. Oui, moi je pense que c'est ça. À l'époque de la cascade amyloïde, il y avait des formes génétiques. Il y avait aussi la trisomie 21, puisque c'est des personnes qui portent le gène qui code pour la pathologie amyloïde. Et ces personnes sont à fort risque. Et donc c'était aussi ça permettait d'appuyer en quelque sorte la théorie de la cascade amyloïde. Et après, c'est vrai que c'est peut-être plus facile avec des anticorps et on sait que ça marche, hein, en quelque sorte. Nettoyer le cerveau, d'enlever la pathologie amyloïde. Avec la pathologie tau, c'est plus compliqué, c'est à l'intérieur des cellules. On sait que c'est une protéine qui est hyperphosphorylée, donc il faudrait trouver des inhibiteurs de kinase. C'est pas facile de trouver des inhibiteurs spécifiques. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué d'un point de vue pharmacologie que d'aller taper avec des anticorps et d'essayer d'éliminer les dépôts. Et la Sander. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'échec au pluriel des essais cliniques, mais au fond, on a une théorie. C'est une théorie qui ne semble pas fonctionner pour le moment. Une question, cette pathologie tau a généré des candidats médicaments. Il y a des essais cliniques en cours. Absolument, absolument. Oui, oui, il y a des anticorps monoclonaux, il y a des inhibiteurs, comme tu l'as dit d'ailleurs, des inhibiteurs de kinase. Oui, oui, il y a une antisense. Les résultats pour quand? Ah, c'est toujours très long. C'est toujours très long parce qu'il faut là encore des études de phase 2, voir les résultats d'études de phase 2. Après, passer aux phase 3, il faut compter au moins 4 à 5 ans avant qu'on ait une indication. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. Breaks open many years too soon. And if there is no room upon the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Écoutez la méthode scientifique sur France Culture et Pink Floyd, Brain Damage, puisque nous parlons de la maladie d'Alzheimer tout au long de cette heure, puisque c'est vendredi le 21 septembre, la 25e journée mondiale de lutte contre cette maladie d'Alzheimer. Nous en parlons ici en studio à la Maison de la Radio avec Marie-Claude Potier, qui est directrice de recherche CNRS, co-responsable de l'équipe maladie d'Alzheimer, maladie des prions à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et avec Bruno Dubois, qui est professeur de neurologie à Sorbonne Université, directeur de l'équipe INSERM, cognition, neuroimagerie et maladie du cerveau également à l'ICM. Et puis c'est notre premier grand dossier transversal de l'année avec notre partenaire, le magazine Science et Avenir, et Hélène Sender, qui est avec nous ici et qui a coordonné ce dossier Alzheimer, prévenir et ralentir, du numéro de septembre. Alors, on a évoqué l'impasse d'une certaine forme de recherche de candidats médicaments autour des plaques bêta-amyloïdes, et de cette fameuse protéine, ce peptide bêta-amyloïde, donc d'autres pistes de recherche, évidemment, tâchent de contourner cette impasse, parmi lesquelles la piste inflammatoire. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'hôpital Saint-Antoine qui explore cette piste notamment. Oui, la piste inflammatoire, non pas pour guérir la maladie, mais pour freiner son évolution ou bien la stabiliser. Pour comprendre les mécanismes de cette stratégie nouvelle, je suis allée voir Marie Sarrazin, responsable du service neurologie de la mémoire et du langage de Sainte-Anne, et Guillaume Dorothée de l'équipe système immunitaire, neuro-inflammation et maladies neurodégénératives. La piste de l'inflammation, l'immunité, est une piste qui n'est pas toute récente, sur laquelle nos travaux se sont inscrits. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement sur l'idée que ça jouait un rôle important, et on a pu, sur un travail de collaboration, faire une interface entre un travail chez les modèles murins, chez l'animal, qui sont menés par Guillaume Dorothée, et puis chez l'homme, en utilisant des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, qui sont toutes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a pu en fait mieux travailler sur la piste chez l'homme grâce à des nouveaux outils d'imagerie cérébrale. Et sur les modèles animaux, qu'est-ce que vous avez pu constater sur le rôle de l'immunité dans le cerveau ? Alors, ce que l'on a vu sur la base de nos résultats précédents, on s'est intéressé à certaines populations immunitaires chez les individus, donc sur la base de caractérisation de modèles animaux murins. Et donc, on a vu qu'une certaine population de lymphocytes, qu'on appelle les lymphocytes T-régulateurs, semblait avoir un effet bénéfique sur l'évolution de la maladie dans ces modèles expérimentaux, avec des données montrant que l'amplification de ces cellules semblait ralentir l'apparition des troubles cognitifs dans ces modèles expérimentaux. Les lymphocytes ont un rôle régulateur, on appelle ça l'immunomodulation. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer quels sont les mécanismes un peu au niveau de l'immunité, comment ça se passe au cours de l'évolution de la maladie ? Alors, ce qu'on appelle, donc ce sont effectivement des lymphocytes T-régulateurs qui ont un rôle extrêmement clé dans la régulation, comme leur nom l'indique. Et donc, ce qu'on a vu, nous, c'est que dans la pathologie d'Alzheimer, ces cellules semblaient avoir un effet modulateur d'autres réponses immunitaires, qui sont des réponses immunitaires qui se développent dans le cerveau, autour des dépôts protéiques pathogènes associés à la maladie. Et ce qu'on appelle l'immunomodulation, c'est finalement des approches qui visent à moduler certains aspects des réponses immunitaires pour avoir un effet bénéfique, thérapeutique potentiel. C'est ça qu'on appelle l'immunomodulation, en fait. Et avec quels outils d'imagerie vous avez pu visualiser ces phénomènes à l'intérieur du cerveau ? Donc chez l'homme, c'est un peu différent que chez la souris pour étudier l'Alzheimer. Et donc on utilise surtout des marqueurs d'imagerie ou des marqueurs biologiques également, sanguins ou par la ponction lombaire. Alors nous, l'étude dont on parle actuellement, on a utilisé des techniques d'imagerie en tomographie émission de positons. Donc là, ça ressemble à un scanner pour le patient, c'est-à-dire qu'il est allongé dans une machine qui ressemble à un scanner. Mais au préalable, on lui injecte dans la veine, dans le bras, un ligand, un traceur, qui va se fixer sur une des facettes de l'inflammation dans le cerveau. Alors précisément, c'est ce qu'on appelle la microglie, enfin, c'est un type de cellule dans le cerveau qui est impliquée dans l'inflammation. Et ce traceur, il va se fixer, et donc on va pouvoir mesurer en fait sa captation quand l'inflammation est active, quand la microglie est active. Et donc c'est une façon de voir in vivo, si je puis dire, chez le malade, comment le cerveau réagit à la maladie spontanément. C'est une image qui montre les résultats obtenus en imagerie cérébrale en tomographie émission de positons. Donc on voit un cerveau, ici ce sont des coupes en fait groupées de malades. Donc là un cerveau qui est vu de profil, là de face et puis là en coupe axiale. Et on voit ici en rouge ce qui apparaît en colorié. C'est des échelles de couleurs, hein, qui sont choisies arbitrairement. C'est justement là où se fixe le traceur, qui est un reflet donc, de l'activité de la microglie chez les malades. Donc en fait, ici, c'est des techniques d'imagerie où on injecte un traceur qui se fixe sur la microglie activée. Et ce qui apparaît en couleur, c'est cette région du cerveau où il y a une activation microgliale. Et on compare des groupes de malades avec des groupes de témoins. On fait un contraste entre les deux. Et donc ici, on voyait sur ce contraste l'activation de la microglie chez les malades. Et ça apparaît dès le stade débutant. Là, ce sont des malades à des stades débutants de la maladie. Ça, c'est des patients à des stades un peu plus évolués. Et on voit que l'inflammation, elle est présente aux deux stades, mais elle est présente dès le stade débutant de la maladie. Ça met en évidence les zones où l'inflammation est active. Voilà, exactement. Ça met en évidence les régions où il y a de l'inflammation active, effectivement. Et ce que l'on avait montré aussi, c'est que donc, quand on suit les patients pendant 2 ans, on voit ici, voyons, on compare les malades qui ont évolué lentement. C'est un diagramme qui mesure quoi exactement ? Alors là, c'est un diagramme où vous avez les groupes de malades qui ont évolué lentement et ceux qui ont malheureusement évolué beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qui ont une perte d'autonomie déjà importante, des troubles cognitifs beaucoup plus sévères. Et vous voyez ces petits points qui sont représentés en rouge et en bleu, que les patients qui ont évolué lentement, ils ont des scores plus élevés, ici, c'est ceux-là, hein, que ceux qui ont évolué rapidement. Et donc, pourquoi ? C'est parce que ça, ici, c'est l'imagerie cérébrale, donc à l'inclusion, au début de l'étude. Et en fait, ils avaient une inflammation plus importante que les autres. Et on voit bien qu'en fait, cette inflammation plus importante est associée au groupe de malades qui évolue beaucoup plus lentement. Donc ça confortait un peu le travail de Guillaume chez les modèles murins. Et on a pu poursuivre ces travaux dans une deuxième étude. Et donc on pense qu'il y a 2 sous-groupes de population, 2 mécanismes un peu distincts dans l'inflammation. Et donc voilà, donc pour caractériser cette hétérogénéité morphologique de ces cellules microgliales, Grégoire Steenpoper, qui est étudiant en thèse au sein du laboratoire, travaille justement sur ces caractérisations dans les modèles expérimentaux. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est une image de microscopie confocale d'un cerveau de souris qui mime la pathologie humaine d'Alzheimer. Et on peut visualiser ici avec des marqueurs fluorescents, donc en vert on peut voir un marqueur spécifique des cellules microgliales, et en blanc on va voir les dépôts amyloïdes. Ça va nous permettre donc d'analyser au stade cellulaire, donc chaque cellule indépendamment, de manière extrêmement précise, des paramètres d'architecture ou de fonctionnalité des cellules microgliales en fonction de leur rapport vis-à-vis des plaques. Ce qu'on peut très simplement visualiser avec différentes couleurs qui peuvent refléter certains marqueurs fonctionnels comme une complexité de branchement ou une taille relative des cellules microgliales. Et ce qu'on peut aussi bien sûr extraire avec des données quantificatives complexes afin d'établir des études statistiques pour en obtenir des possibles corrélations. Voilà. Pour l'instant, la recherche dans la maladie d'Alzheimer était focalisée sur une protéine qui est la protéine amyloïde, qui sert à modéliser la maladie chez la souris. Et il y a eu beaucoup de travaux là-dessus et ça a quand même engendrer des pistes thérapeutiques qui se sont avérées décevantes. Donc là, ce qui est quand même intéressant, et on espère que ça va aboutir, c'est que ça ouvre une nouvelle voie. C'est-à-dire qu'on n'est pas directement sur la protéine, on est sur ce que la protéine enclenche, c'est-à-dire l'immunité, l'inflammation. Et on voit clairement que ça joue un rôle, mais pas anecdotique, un vrai rôle. C'est hétérogène entre les malades, et l'idée, c'est de pouvoir interférer sur cette piste-là, sur un plan de traitement, évidemment. Voilà l'une des pistes de recherche donc à l'hôpital Saint-Antoine autour de l'inflammation. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Marie-Claude Potier ? Oui, donc c'est une étude à laquelle j'avais participé avec Marie Sarrazin. Et c'est vrai que cette piste de l'inflammation, elle est intéressante, elle est complexe, hein, parce qu'il y a apparemment des vagues au début, ce serait protecteur, après peut-être plus trop. Et on commence à comprendre d'un point de vue fondamental, parce qu'on sait que la microglie, elle peut grignoter les dépôts d'amyloïdes. Hein, les microglies sont les défenses immunitaires du cerveau. Les cellules microgliales, exactement, c'est les macrophages du cerveau. Donc elle peut détruire les peptides amyloïdes. C'est la seule cellule dans le cerveau qui peut le faire, parce qu'elle a le bagage enzymatique pour le faire. Et aussi récemment, donc une étude à Cambridge a montré qu'il y a certains lipides qui l'activent et qui lui feraient aussi manger les terminaisons nerveuses. Donc là, ça serait peut-être plus le même tableau. Donc on a vraiment toujours un côté positif et peut-être un côté négatif en fonction de l'état des cellules. Hein. Et ce bagage de cellules, il n'est pas énorme. Hein. Donc, c'est des cellules qui sont importantes pour surveiller. Bruno Dubois. Ce sont des voies. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est il faut rien négliger. Tout ce qui va vers une meilleure connaissance des mécanismes intimes au cours de cette maladie sont évidemment extrêmement importants et intéressants. Alors, il y a effectivement des travaux actuellement sur la piste inflammatoire dans la maladie d'Alzheimer, et ces travaux sont bien sûr très intéressants et il faut les suivre de très près. Alors, une des questions qui se pose, c'est finalement, est-ce que ce sont des phénomènes primitifs, primaires, et qui sont à l'origine de la maladie, ou est-ce que ce sont des phénomènes secondaires? Et cette détertion, on voit très bien que la détertion et la, comme tu le disais tout à l'heure, le grignotage des lésions amyloïdes peut entraîner un phénomène inflammatoire secondaire. Et donc là, on est peut-être sur des mécanismes latéraux secondaires. Et toute la question est celle-là. C'est quelle est la place de l'hypothèse inflammatoire dans la genèse même de la maladie. Voilà. L'autre hypothèse, c'est l'hypothèse infectieuse. Il y a des travaux qui ont été menés récemment, notamment une étude parue en juin dans la revue Neuron par des chercheurs de l'université Mount Sinai à New York, qui met en évidence la présence d'herpès virus en quantité surnuméraire dans le cerveau des patients malades. Ça fait longtemps qu'on dit piste inflammatoire, piste infectieuse. Ça peut être aussi deux formes avec exactement le même type de corrélation que vous venez de décrire, Bjorn Dubois. Est-ce que la piste infectieuse est une conséquence? Est-ce que ces virus d'herpès s'installent mieux parce qu'il y a une pathologie amyloïde, ou est-ce qu'au contraire, il la déclenche? Alors, je ne suis pas compétent pour répondre très précisément à cette importante question. Ce sont des données, vous avez raison, ce sont des données qui sortent actuellement. Si vous voulez, il y a toujours eu cette idée qu'il pouvait y avoir des phénomènes de cette nature. On a parlé tout à l'heure des caractères plurifactoriels. Il peut y avoir comme ça des réactions immunitaires secondaires à des agressions dans l'enfance, etc. Mais il n'empêche que c'est plurifactoriel, il n'empêche que tout le monde est soumis à l'agression du virus herpès. Et 80-90% de la population, voilà, en est porteur. Donc. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, ça ne suffit pas à rendre compte des choses. Et alors, je tiens quand même à faire attention aux termes employés. C'est en aucun cas une maladie infectieuse. C'est-à-dire que c'est une piste infectieuse, expliquer. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il y a dans les phénomènes plurifactoriels dont on a parlé tout à l'heure, il peut y avoir des mécanismes immunitaires qui eux-mêmes sont secondaires à des agressions qui ont pu avoir lieu avant, mais ça ne veut pas dire que c'est une piste infectieuse dans la mesure où c'est pas la transmission d'un agent bactérien ou viral qui va produire la maladie. Ce sont des réactions à distance de phénomènes qui ont pu avoir lieu dans l'enfance ou au cours de la vie adulte, mais c'est un des phénomènes parmi d'autres dans cette hypothèse de mécanisme plurifactoriel. Marie-Claude Potier, une opinion sur cette étude et sur une possible effectivement entrée par la voie infectieuse? Je pense que Bruno Dubois a tout dit. C'est une étude corrélative. On trouve dans les cerveaux post-mortem de personnes, donc en fin de vie, en fin de maladie, la présence de d'herpès. À un moment, c'était d'autres types de virus. Donc, il y avait un groupe en Écosse. C'est assez régulier, en fait. On a ces publications qui ressortent. Il y a eu un groupe espagnol il y a 2-3 ans. Donc après, est-ce que c'est ça? C'est toujours pareil, hein, l'œuf et la poule. Est-ce que c'est ça qui provoque? Il y a quand même peu de chance. On sait que c'est pas une maladie contagieuse, hein. Donc c'est certain. Voilà. Mmh. Donc peut-être une hypothèse inflammatoire, pourquoi pas. Peut-être que tout ça est lié. Mais actuellement, on peut surtout pas dire que c'est une maladie infectieuse. Hein. Et Sender. Et pour rester positif, cette piste inflammatoire va déboucher puisqu'il va y avoir avec l'équipe de Marie Sarrazin, Guillaume Dorothée. Et les autres, ils vont lancer un essai clinique. En tout cas, ils ont eu les financements pour tester un modulateur du système immunitaire cérébral sur 35 patients. Marie-Claude Potier, je le disais tout à l'heure, hein, vous êtes co-responsable de l'équipe maladie d'Alzheimer, maladie à prion. C'est aussi une piste de recherche, la proximité entre cette maladie d'Alzheimer et les maladies à prion, dont on n'imagine pas forcément qu'elles aient grand-chose à voir. Oui, alors c'est la partie de l'équipe qui est dirigée par Stéphane Haïk, qui est le grand spécialiste de maladie de Creutzfeldt-Jakob et qui est responsable du réseau de surveillance nationale, etc. Et donc dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, en effet, là, on a une progression de la maladie. Et ce qui a été montré donc dans la maladie d'Alzheimer, c'est une hypothèse qu'on appelle prion-like, donc un peu comme les maladies à prion. Puisque les pathologies amyloïdes et tau, quand on les met sur des neurones en culture, si on leur applique des extraits de cerveau, on voit que la pathologie amyloïde et tau peut rentrer dans la cellule et passer d'une cellule à une autre via sans doute les synapses. Donc on sait que ces pathologies se transmettent d'un neurone à un autre. Mais on le savait déjà par l'imagerie, puisque, comme l'avait dit Bruno Dubois auparavant, le décourbe temporel et la pathologie dans le cerveau suit toujours un peu les mêmes schémas de progression, et qui sont d'ailleurs différents pour la pathologie amyloïde et la pathologie tau. Tout ça quand même nous amène vers des pistes où on sait que ces pathologies peuvent passer d'un neurone à un autre. Les mécanismes sont pas encore connus, sous quelle forme, est-ce que c'est via des exosomes, via quels composants, etc. Donc tout ça reste évidemment au niveau de la recherche fondamentale, mais ce qu'a montré Stéphane Haïk avec Charles Duquert, qui dirige le service de neuropathologie à la Salpêtrière, c'est que chez les cerveaux de malades atteints de Creutzfeldt-Jakob qui avaient été traités avec des hormones de croissance, on retrouve de la pathologie amyloïde, comme si cette pathologie amyloïde qui était dans les extraits avait pu se développer chez ces patients. Donc, mais en aucun cas la pathologie tau. Donc voilà, on est avec toutes ces données, et l'ensemble de ces données peut faire évoluer les hypothèses sur l'apparition des pathologies amyloïdes et tau. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce sur quoi réfléchissent Charles Duquert et Stéphane Haïk actuellement. Un des enjeux importants, Bruno Dubois, c'est ce sur quoi vos équipes ont travaillé aujourd'hui, c'est un diagnostic très précoce, hein, puisqu'on le dit souvent, vous l'expliquiez tout à l'heure, hein, quand on traite des patients qui sont déjà très avancés dans la maladie, eh bien peut-être que ce n'est pas le bon moment pour traiter justement ces pathologies-là. Et aujourd'hui, la recherche sur les biomarqueurs, la recherche d'un test sanguin qui pourrait mettre en évidence la maladie avant, évidemment, l'apparition des symptômes est essentielle. Deux choses. Il y a la démarche clinique. La démarche clinique, on fait le bon moment, c'est lorsque les patients viennent nous voir. Malheureusement, parfois ils viennent tardivement. Heureusement, parfois ils viennent un peu plus tôt. Bon, ça c'est le bon moment. C'est quand ils viennent nous voir qu'ils ont une inquiétude ou un questionnement. Et en tant que médecin, nous devons leur apporter la réponse. Ça c'est le bon moment. Alors maintenant, quand je quitte ma casquette de clinicien, que je mets ma casquette de chercheur, on est dans une démarche complètement différente, qui est de dire, est-ce qu'il sera possible dans l'avenir d'identifier les patients le plus tôt possible, peut-être même avant même que les symptômes ne soient présents. Mais ça, si vous voulez, je voudrais insister, c'est quand même de la science-fiction. Et il faut bien comprendre que le problème aujourd'hui, c'est déjà de diagnostiquer les malades quand ils ont la maladie. On sait que, par exemple, 50% des gens ne sont pas reconnus. C'est quand même ça la réalité. Donc faisons en sorte que les patients qui ont la maladie viennent... C'est au niveau mondial, hein, 50%. Ah non, c'est en France. C'est en France. Donc faisons en sorte que ces patients qui ne sont pas identifiés pour un certain nombre de raisons, parce que les familles considèrent que c'est lié au vieillissement, parce que les malades eux-mêmes ne sont pas conscients de leurs difficultés, parce que les médecins généralistes ne sont pas convaincus que qu'il y a un plus à médicaliser ces gens, eh bien faisons en sorte déjà qu'ils viennent à l'hôpital ou chez le médecin, le neurologue, le gériatre, ou en consultation de mémoire pour qu'on fasse le diagnostic. C'est la première chose. Après, essayons d'identifier ces sujets, ces patients, un peu avant le stade de démence. Parce que je pense que c'est déjà ça qui sera l'enjeu dans l'avenir. C'est-à-dire identifier, avant qu'il y ait justement cette perte d'autonomie qui détermine la démence, pour qu'on puisse trouver des solutions qui permettent de retarder justement ces échéances difficiles dans la prise en charge. Donc, phase prodromale. Et puis nous, les chercheurs, essayons de réfléchir à l'identification, non pas tant des gens qui ont des lésions sans les symptômes, mais des gens qui ont des lésions et qui sont à fort risque d'évoluer rapidement. Parce que le fait d'avoir les lésions ne suffit pas. Il faudra que l'on détermine ce qui, chez les gens qui ont des lésions de la maladie, fait qu'ils sont à fort risque d'évoluer très vite. Car ça va être ça la cible dans l'avenir. Mais c'est dans l'avenir, on n'en est pas là. Et si vous voulez, il faut quand même, tout en donnant ce message de recherche que vous avez donné au cours de cette heure, il faut quand même revenir à la réalité. La réalité, c'est la maladie d'Alzheimer est une maladie qui survient chez les gens qui ont des symptômes. Pour conclure, en un mot, quand on a préparé cette émission, l'un et l'autre, malgré tout, malgré ce qu'on a entendu ou ce qu'on a pu dire, cette question d'année zéro, c'est dire c'est l'année zéro, oui, mais on a toutes les cartes en main pour gagner. On est malgré tout sur le point d'arriver à une solution, c'est ce que vous m'avez dit l'un et l'autre, Marie-Claude Potier, Bruno Dubois. Oui, oui, tout à fait. Et c'est l'année zéro aussi pour une chose importante qui a été réalisée cette année, c'est-à-dire qu'on commence à pour les gens qui s'intéressent aux protéines, à la structure des protéines, c'est important. On n'avait pas ces structures de ces protéines qui sont retrouvées dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, ce qui a été fait récemment... Les structures en trois dimensions. En trois dimensions, par CryoIM, hein, donc prix Nobel cette année de médecine pour cette technique. Et ce qui a été montré, donc, c'est que dans différents types de pathologies, on a des structures différentes. Donc, l'hypothèse qu'on appelle prion-like, pourrait être justifié puisqu'on aurait des structures différentes qui pourraient évoluer de manière différente. Donc on en est vraiment on en revient vraiment aux essentiels, c'est-à-dire quand on connaît pas la fonction, faut regarder la structure, voir ce que la structure donne et essayer de comprendre. Bruno Dubois, en un mot. Alors en un mot, oui, je partage votre pas votre optimisme. C'est la vôtre, hein, c'est pas moi, non, c'est vous qui me faites votre c'est votre optimisme. Je partage votre analyse. Je pense que nous, on a beaucoup progressé, même si on n'a pas effectivement trouvé le traitement. On a beaucoup progressé, on a clarifié les choses. Les choses sont beaucoup plus claires. On sait ce qu'est la maladie, on sait ce que ça n'est pas. On connaît les lésions. On sait maintenant quel type de patient il va falloir étudier, des patients très précoces. On a maintenant tous les éléments pour avancer et on a probablement deux ou trois pistes à vérifier. Ça va venir. Eh ben, on sera là pour dire quand ça vient et pour vous annoncer cela de façon assurée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie-Claude Potier. Merci Bruno Dubois. Merci beaucoup Elena Sender. C'est vous qui avez coordonné ce dossier Alzheimer, prévenir, ralentir. C'est la couverture de Science et Avenir du mois de septembre. C'était notre premier grand dossier transversal entre le magazine papier, la méthode scientifique. Tout ça est à retrouver sur nos deux sites franceculture.fr, Science et Avenir, Science au pluriel et Avenir tout attaché.fr et sur nos fils Twitter respectifs. Merci à toutes les équipe de la méthode scientifique. C'était Jean-Guilain Mèche aujourd'hui à la technique. Demain, on part en direction du soleil. On vous parlera de Parker Solar Probe. On se retrouve à 16h jusqu'à preuve du contraire.